cette semaine au Mathieu Plante Show. Dans Télévision, Télévision, la chaîne musicale Musimax deviendra bientôt juste Max. Après ça, Musique Plus va devenir Plus et tout va être télé et Canal Vie va être juste Canal. Dans Segment Geek, c'est le journaliste turc qui prend des cheat codes de GTA 4 pour des messages secrets. C'est moins pire que les gens qui prennent certains journaux québécois pour du journalisme. Et dans le Merci Science, c'est l'orgasme féminin serait un vestige de l'évolution. Mathieu Plante Show tout de suite. Et voici celui qui est le vestige de l'exagération, Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante, avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 8 août 2016, comme toujours, la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologie, médecine, merci science, et le segment geek CNX. À la fin de l'émission, on va avoir le temps probablement pour faire cette fête Tech Edition. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission depuis les dernières semaines, Samuel Gérard va être de retour seulement à l'automne, ou en tout cas bientôt, on l'espère. Donc on l'aura pas avec nous aujourd'hui pour sa collègue de Gamer à Nôtre. Pour commencer l'émission, on va écouter un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Juste avant le générique d'ouverture, on avait entendu Summer Song par Wilkie G. Donc Wilkie G, l'artiste, Summer Song et la pièce, pour ceux que ça intéresse. Dans quelques instants, j'allais dire donc Television, mais avant ça, voici une pièce. Attention, qu'est-ce qu'on a? Non, pardon. Oui, je me reprends. La pièce qu'on a entendue avant l'intro, c'était celle de Daitenshi Conflagration. Celle qui suit sera de Wilkie G. Donc, Summer Song. Tout de suite, oui, Summer Song. C'est l'été, le gars est mêlé. De la misère avec son site web aujourd'hui. Pas quelque chose. Hein? C'était Power Supply et No Idea Keijin Something Remix. Avant ça, on a entendu Summer Song par Wilkie G au Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est Television, Television. Television, Television, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours, en commençant par le Québec, ensuite le Canada, les États-Unis, le reste du monde et Internet, en commençant par le Québec avec Hélène Florent qui abandonne District 31. En plus d'avoir quitté la distribution de La Galère, on en parlait il y a quelques semaines, la version théâtrale sur scène de La Galère pour des raisons de surmenage, Hélène Florent ne jouera pas dans District 31, la nouvelle quotidienne de Ici Radio-Canada Télé, selon le Huffington Post. Le rôle de la sergente détective Isabelle Roy, experte en délits familiaux et crimes sexuels, a finalement été attribué à Hélène Bourgeois-Leclerc. Tant mieux parce que c'est une super bonne actrice, là. Ça enlève rien à Hélène Florent, mais bon choix pour Hélène Bourgeois-Leclerc. Pour la version théâtrale de La Galère qui tient l'affiche du théâtre Hector Charland tout l'été à l'Assomption, Hélène Florent a été remplacée par Marie-Lise Bourque. Signé Luc Dionne, la série District 31 prendra l'antenne, voyons, le 12 septembre, du lundi au jeudi, à 19h. C'est l'émission avec ma belle Magali Lépine-Blondeau, ça, je pense. Hello! On reste au Québec avec Musimax qui deviendra Max. C'est vraiment pas une grande surprise, même que j'avais prédit le nom il y a quelques mois à l'émission. C'était beaucoup trop évident que le nom allait être Max. Un peu comme on a fait au Canada anglais, la chaîne Much More Music, qui était l'équivalent de Musimax, et donc la chaîne sœur de Much Music, qui avait Much Music pour Music Plus et Much More Music pour Musimax. C'était devenu Much More, on avait enlevé le Music, un peu qui est parfait. Et là, comme Much More voulait pas dire grand-chose, ils l'ont changé pour M3, M3. Donc peut-être que Max un jour deviendra... 3M en français, on sait pas, on ne sait pas. Donc Musimax va changer de nom et de vocation pour devenir Max, une chaîne spécialisée dans les téléséries et les films. Parce que ça, on n'a pas assez de séries et de films au Québec, évidemment. Donc ça, c'est selon le groupe V-Media. À compter du 29 août, Max proposera aux téléspectateurs des versions francophones de plusieurs séries américaines populaires, dont The People vs. O.J. Simpson American Crime Story, qui porte sur le procès du célèbre joueur de football, et la suite attendue de X-Files. Donc, surtout des émissions câblées, entre autres, FX, mais aussi des émissions de grands réseaux comme X-Files sur Fox. Elle offrira aussi des téléséries britanniques, incluant Casual Vacancy, ce qui est quand même vraiment bien. Hein, c'est rare quand même des séries britanniques. Radio-Canada en diffusait quelques-unes, maintenant moins. Il y avait Downton Abbey qui jouait là-bas. Bref, ça c'est Casual Vacancy, l'adaptation télévisuelle du roman de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Côté cinéma, la chaîne va diffuser des films primés et incontournables, comme Wild de Jean-Marc Vallée, qui met en vedette Reese Witherspoon. Dans un communiqué, Maxime Rémillard, le président et chef de la direction du groupe V-Media, a déclaré que ce changement de cap était le fruit d'une longue réflexion. Il a expliqué que l'entreprise, qui a acheté Musique Plus et Musimax en 2014, savait depuis le début que le marché québécois était trop petit pour deux chaînes musicales et que c'est pour cette raison qu'elle avait décidé de trouver une nouvelle vocation à Musimax. Je ne peux pas dire que je suis contre cet avis. En effet, Québec, énormément petit. Musique Plus a déjà presque pas de musique. Musimax en avait de moins en moins. C'est des reprises d'un super presque parfait. Fait puis taxi payant, puis un paquet d'autres affaires qui n'avaient rien à voir depuis quelques mois. Je pense que le meilleur contenu des deux chaînes devrait être sur une seule, et Musique Plus devrait arrêter de passer des télé-réalités. Hein? Pour vrai? Moi, ce que je me demande aussi, c'est le CRTC, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dedans? Parce qu'en tant que tel, les licences de Musique Plus et Musimax demandent un certain quota de musique. Donc, si Musimax commence à jouer aux frontières du réel, je pense que ça n'a pas vraiment rapport avec la musique. On va voir s'ils vont s'en sortir du côté légal. Bref, dès son entrée en onde, Max va être débrouillé du 29 août au 5 septembre. Pour ceux qui n'ont pas déjà la chaîne par défaut, je l'ai dans mes chaînes sans même la vouloir. Là, je l'enlèverais si je pouvais, mais je peux pas. Hein? Donc, Musimax, qui deviendra Max. Et le logo ressemble à celui de l'Automax, en passant pour ceux qui sont fans de loterie. Mathieu Dugal, maintenant, va infiltrer le monde des pirates informatiques cet automne sur Ici Explora. Dès l'automne, donc Mathieu Dugal animera Hackers, une nouvelle série, ça me surprend d'ailleurs un titre en anglais, Hackers, je me serais attendu à Pirates Informatiques ou peu importe, Loi 101 et autres, Québec Bashing. Donc une nouvelle série documentaire sur ces experts de l'informatique qui œuvrent dans l'ombre, conçue par les productions Kinesis et Magasin Général. La série de 5 épisodes de 30 minutes s'intéressera au piratage informatique dans sous toutes ses formes, du harcèlement criminel au cyberterrorisme en passant par le vol d'identité et la cyberintimidation. C'est pour ça j'imagine qu'on a choisi Hackers, parce que c'est pas seulement du piratage informatique. Hein. Inspiré par différents motifs, ces virtuoses de la technologie numérique mettent aussi parfois leurs talents au service du bien commun. Par entremise d'entrevues et de mises en scène étonnantes, Mathieu Dugal montrera à quel point le public, mais également les entreprises et les gouvernements peuvent être vulnérables lorsqu'ils se trouvent sur Internet. Ça a l'air vraiment bon. Hackers, seulement 5 épisodes de seulement 30 minutes. Disons que back-to-back, c'est à peine 2h30, moins les pubs, il reste genre même pas 2h. 1h45, genre. Il a dû faire un film avec ça. Maintenant, on s'en va, on saute par-dessus le Canada, en fait, parce qu'il ne se passe rien du tout. On va aller aux États-Unis pour Supergirl, qui va affronter la sœur de Lex Luthor. Un nouveau personnage s'apprête à faire son apparition dans la saison 2 de Supergirl, interprétée par la comédienne Katie McGrath. Superman a un ennemi juré en la personne de Lex Luthor. Supergirl devra, elle, affronter la sœur de Lex Luthor, Lina. La mystérieuse et intimidante Lina Luthor débarquera à National City au début de la deuxième saison. Et il fera alors la rencontre de Supergirl, alias Kara Danvers, alias Kara Zor-El, la super-héroïne extraterrestre, incarnée par Melissa Benoist. La comédienne irlandaise est connue du public pour son rôle de Morgan dans la série Merlin. Elle joue également des rôles récurrents dans les séries Dracula et Slasher. Elle a par ailleurs joué dans Jurassic World, le rôle de l'assistante de la directrice du parc. Outre Katie McGrath, d'autres nouveaux venus viendront enrichir la distribution. Tyler Hoechlin campera Superman Clark Kent. Floriana Lima jouera la détective Maggie Sawyer. Et enfin, la star de Wonder Woman, Linda Carter, sera la présidente des États-Unis. Wow, ça c'est vraiment cool. Les téléspectateurs retrouveront par ailleurs Kyler Lee qui joue Alex Danvers, Mikad Brooks qui joue James Olsen, David Harewood qui est Hank Henshaw et Kelsey Flockhart qui s'est confirmé reviendra sous le rôle dans le rôle de Cat Grant. Saison 2 de Supergirl qui débute le 10 octobre sur la chaîne CW après avoir passé la première saison sur CBS. La semaine des requins sur Discovery Channel, Discovery Network, Discovery Truc, c'est quoi? C'est Network, je pense? Qu'est-ce qui est une chaîne? Qu'est-ce qui est un réseau en 2016? On ne sait plus. Mais bref, sur Discovery. Victime des codes d'écoute des Olympiques, malheureusement, parce qu'on a déménagé le marathon de requins à la fin du mois de juin pour ne pas piler sur les Olympiques. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Les Olympiques sont un problème de programmation pour les réseaux de télé. On se demande donc, est-ce qu'on offre nos meilleures émissions pour compétitionner contre les Olympiques ou est-ce qu'on fait aller le drapeau blanc et on se rend à l'évidence que les Olympiques vont prendre toutes les codes d'écoute. Discovery a choisi la deuxième option en déménageant donc sa semaine des requins sur Discovery Channel finalement à la fin du mois de juin pour éviter de compétitionner contre les Olympiques. Ça s'est pas très bien passé. Les codes d'écoute ont vraiment tombé. La compagnie a dit ça pendant ses résultats du deuxième quart de l'année. Je cite « We made a mistake ». On dirait une citation des nouveaux pauvres Arrested Development « I made a huge mistake ». Ils voulaient se lancer les Olympiques, finalement. Ils trouvent que c'était beaucoup trop tôt. J'étais encore dans une situation ici. Beaucoup de gens travaillaient encore au mois de juin. Donc, probablement que l'année prochaine, on va changer les plans pour la semaine des rocs. Hein? Une nouvelle série par l'auteur du Trône de Fer sera adaptée à la télé. George R. R. Martin a révélé qu'une série adaptée de Wild Cards et ses recueils sur les super-héros était en préparation. Je cite « Universal Cable Productions a acquis les droits d'adaptation pour la télévision de la série d'anthologie de nouvelles Wild Cards. Nous allons commencer immédiatement le développement de ce que nous espérons être la première d'une longue série de saisons entrelacées », indiqué l'écrivain sur son blog. Cette série d'ouvrages de science-fiction raconte comment un virus extraterrestre baptisé Wild Cards a tué plusieurs milliers de personnes dans les années 40 et a fait muter une partie de la population new-yorkaise. Certains des mutants sont devenus des monstres et d'autres des héros. Éditée depuis 1987, la série Wild Cards est composée de 22 volumes. Le 23e et dernier tome intitulé High Stakes sortira le 30 août prochain. High Stakes, steak drogué. Non, du tout. Les enjeux sont élevés. Quand j'ai pas de public pour mes blagues, ça passe pas partout. Toujours aux États-Unis, chez VH1 maintenant, Ice Cube va ramener une autre saison du quiz qu'on appelait ici au Québec, et j'en ai toujours ri, le Tic Tac Show avec Jean-François Mercier. C'est une émission qui a duré une saison, puis qui est passée en reprise, puis que même les reprises, c'est que ça marche pas partout. Donc, aux États-Unis, ça marche encore. La version, par contre, est un petit peu plus urban, hip-hop style. Donc, les sources disent à The Hollywood Reporter qu'on a ramassé 20 autres épisodes pour cette émission de jeux télévisés. La chaîne, propriété de Viacom va donc ramener cette version de Hollywood Squares, Hip Hop Squares. Ça devrait commencer cet automne. Et puis, c'est des vedettes, comme vous le savez, placées en tic-tac-toe, avec 3x3 de cases. Ice Cube et Cube Vision vont être producteurs de cette série en conjonction avec Jesse Collins Entertainment, Jeff Quatnitz, The Firm, et CBS Television Distribution. C'est la plus récente incarnation de ce jeu télévisé, créé par Meryl Eicher et Bob Quigley. Peter Marshall a animé la série de 66 à 81. John Bowman entre 83 et 84. John Davidson entre 86 et 98. Tom Bergeron a animé la version la plus récente, avant ça, en 98 jusqu'à 2004. La série a été diffusée sur NBC en 66 jusqu'à 80, ensuite en 83, ensuite en 84. Ensuite, l'émission est allée en syndication, donc sur des stations locales, pendant 4 décennies. Plus de 5000 épisodes ont été produits des carrés d'Hollywood. CBS Television Distribution, qui était le propriétaire de la version, avec Tom Bergeron. Donc, cet automne, Hip Hop Squares, une nouvelle saison. Ensuite, spécial d'une heure pour les Simpsons en janvier 2017. Donc, Fox diffusera The Great Fastby, un mini-film d'une heure en hommage à Gatsby le Magnifique, en anglais The Great Gatsby, le jeu de mots marche mieux en anglais, sur fond de hip-hop. Tiens, l'épisode sera centré sur les hauts et les bas de l'amitié qui lie Charles Montgomery Burns, donc Monsieur Burns, au MC et rapper JG. Je cite, Burns est un Gatsby old school face à Jay, qui est une version new school, indiqué Matt Selman, le producteur de la série. Je cite encore, quand JG entraîne le milliardaire des Hamptons dans les méandres du hip-hop et finit par le ruiner, ce dernier passe le reste de l'épisode à tenter de se venger. L'excellent Keegan-Michael Key, qu'on connaît pour sa l'émission de sketch Key and Peele, et plus récemment du film Keanu, et Taraji P. Henson, qui joue dans Empire, prêteront respectivement leur voix au rappeur Jazzy James et à Praline, l'ex-femme de ce dernier. La 28e saison des Simpsons sera lancée le 25 septembre prochain sur la Fox. David O. Russell prépare une série télé. Le réalisateur David O. Russell, spécialisé dans les comédies à succès comme Silver Linings Playbook, ça c'est je crois le bon côté des choses en français, Jennifer Lawrence, American Hustle et Joy préparent une série télévisée avec Robert De Niro, l'un de ses acteurs fétiches, et Julianne Moore, affirme The Hollywood Reporter. Rien n'a encore été percé de l'intrigue, selon le magazine spécialisé dans les informations sur le cinéma et la télé, et le projet n'a pas encore de diffuseur, mais plusieurs offres ont été présentées. Un précédent projet de série du réalisateur, The Club, en 2014, n'avait pas vu le jour. D'après The Hollywood Reporter, si la série actuelle est encore au stade préliminaire, la présence de stars de calibre comme De Niro et Moore devrait lui permettre d'aboutir. David O. Russell, qui a contribué à faire de Jennifer Lawrence justement une star, a tourné trois films avec le trio Robert De Niro, Jennifer Lawrence et Bradley Cooper. C'était lui la deuxième vedette de Silver Linings Playbook. Et reçu de multiples nominations aux Oscars, ce projet illustre une nouvelle fois la montée en puissance des séries télévisées qui attirent désormais les plus grands noms d'Hollywood, nous dit l'agence France Presse. Robert De Niro, lauréat de deux Oscars, vient de finir le tournage d'un téléfilm de Barry Levinson qui est The Wizard of Lies, Bernie Madoff and the Death of Trust, dans lequel il incarne l'escroc auteur de la plus vaste fraude boursière de l'histoire. Julianne Moore, Oscar de la meilleure actrice en 2014 pour Still Alice, a aussi reçu un Emmy Award en 2012 pour le téléfilm Game Change, dans lequel elle jouait la candidate à la vice-présidence américaine Sarah Palin. Jennifer Lawrence a, elle, reçu la prestigieuse statuette aux Oscars pour son rôle dans Silver Linings Playbook. La grosse nouvelle de la semaine dans la télé américaine, c'est Martha Stewart et Snoop Dogg qui sont réunis dans Snoop's Dinner Party. Oui, incroyable mais vrai, la star de la maison et la vedette du rap co-animeront We Snoop's Dinner Party, une nouvelle émission culinaire qui sera diffusée à l'automne sur la chaîne américaine VH1. Ça, c'est vraiment leur équivalent de Musimax ou Max aux États-Unis, c'est la même chose. Ils prépareront des recettes qu'ils dégusteront avec différentes célébrités. C'est pas la première collaboration entre ces deux-là, deux univers diamétralement opposés, comme dit la presse, puisque Snoop Dogg a déjà visité le plateau de Martha Stewart dans son émission The Martha Stewart Show à plusieurs reprises, notamment pour faire des patates pilées et des brownies avec des ingrédients secrets. C'est des épisodes qui avaient vraiment beaucoup fonctionné, donc tant mieux qu'ils s'entendent assez bien pour faire une émission à temps plein ensemble. Gwyneth Paltrow sera dans une télé-réalité. Oui, Gwyneth Paltrow qui sera une des trois juges de la nouvelle série dont on a parlé il y a quelques semaines, la télé-réalité Planet of the Apps, produite pour Apple. Je cite, c'est une belle occasion pour nous de se servir de notre expérience pour aider des développeurs d'applications dont le travail aura un impact sur la vie de personnes, a expliqué l'actrice et fondatrice du site Goop et croyante de multiples théories de complot et trucs de santé exotériques qui ont aucune science derrière eux. Le chanteur Will.i.am et l'entrepreneur Gary Vaynerchuk feront aussi partie du groupe de juges. Oui, je juge Gwyneth Paltrow. On s'en va maintenant au Japon où une chaîne 8K va voir le jour. Pas 4K, non. L'ultra haute définition 4K n'est toujours pas très populaire en ce moment, mais la prochaine génération de signaux vidéo fait son entrée au pays du soleil levant, nous dit branchez-vous.com. Le télédiffuseur public japonais NHK vient de déployer cette semaine les premiers signaux satellites au monde sous une définition 8K. Il est théoriquement donc possible de capter la chaîne mise à l'essai dont le contenu est un mélange de 4K UHD, donc ultra haute définition, et de 8K qu'on appelle le Super High Vision par NHK, soit une résolution de 7680 par 4320 pixels, c'est 4 fois plus que les 3840 par 2160 pixels qui composent l'image 4K, et c'est évidemment 4K 4 fois plus que la définition 1080p. Hein. L'audio émis par cette chaîne respecte la norme 22.2, le système de son multicanal développé par NHK Science and Technology Research Laboratories qui permet d'utiliser 24 haut-parleurs, dont deux subwoofers disposés en trois couches, non mettant qu'à ça aussi bien faire des murs qui ne sont que des haut-parleurs. Hein. Beaucoup de haut-parleurs installés quand même, puisque très peu de consommateurs sont équipés pour profiter pleinement de l'expérience offerte par NHK. Des stations d'essai ont été installées un peu partout au Japon afin que le public puisse réellement apprécier le contenu diffusé. À l'horaire, donc en 8K SHV, on retrouve un concert de l'artiste J-pop Kyari Pamiu Pamiu, les faits saillants des Jeux olympiques de Londres de 2012. Wow! Oh là là! Ah, tu viens de me convaincre. Londres 2012. Wow! Pourquoi est-ce qu'on a filmé ça en 8K, probablement? Et des images du chef d'orchestre Saiji Ozawa tourné lors de concerts centrés sur les œuvres de Beethoven. L'œuvre de Beethoven. L'article nous dit qu'il est important de comprendre que les laboratoires de NHK sont perpétuellement à la recherche de la prochaine norme audio et vidéo, ce qui signifie bien sûr que même si vous n'avez toujours pas de téléviseur 4K et que vous avez envisagé d'attendre les téléviseurs 8K, beaucoup plus tard, une nouvelle norme va de toute façon voir le jour d'ici là. Hein? Faut tout le temps faire la prochaine affaire. C'est comme quand on apprend qu'une compagnie travaille sur la prochaine console de jeux vidéo alors que la plus récente vient de sortir. C'est normal. On vit dans le futur dans ces compagnies-là parce que ça prend du temps avant de les faire. On va sur Internet maintenant, oui, pour parler de la voix. Ouh, la voix. Mais la version américaine de Voice. Une version spéciale s'en vient pour Snapchat. Le groupe de médias NBC Universal va produire une version spéciale pour Snapchat de son émission The Voice, ainsi qu'une série d'autres programmes originaux selon un accord de partenariat. C'est la première fois que le groupe de médias produit des contenus originaux destinés spécialement à l'Internet mobile, a précisé une porte-parole, oui, à l'agence France Presse. The Voice on Snapchat, super original, sera le tout premier de ces programmes, avec une série de 5 mini-épisodes diffusés à partir du 22 août aux États-Unis. Les candidats potentiels peuvent soumettre une vidéo, de préférence enregistrée avec leur téléphone, sur un site Internet dédié. Les performances seront vues par le même jury que celui de l'émission télévisée, où les gagnants auront également une chance d'apparaître. J'imagine, dans tous les gens sur Snapchat, il va y avoir un représentant Snapchat qui va aller à l'émission sur NBC. NBC Universal prévoit aussi, à partir de septembre, une émission hebdomadaire en collaboration avec la chaîne E, donc E avec pour l'exclamation, c'est une chaîne de divertissement qui comprendra également des contenus visibles uniquement sur Snapchat, puis des mini-versions spécialement adaptées à l'application mobile, des talk-shows de Tonight Show avec Jimmy Fallon et l'émission de variété Saturday Night Live. L'accord de partenariat qui court sur plusieurs années donne aussi la possibilité aux annonceurs et sponsors publicitaires de NBC Universal de publier également des annonces sur Snapchat. Évidemment, pour NBC Universal, c'est une manière de tenter d'élargir son audience auprès des millennials, une cible jeune prisée des annonceurs publicitaires, mais qui a tendance à se détourner de la télévision traditionnelle au profit de la vidéo en ligne et sur mobile. Et pour Snapchat, il s'agit de poursuivre ses efforts pour tenter de muscler son offre. Continuons avec une émission norvégienne, en fait, pas une émission, mais un principe norvégien dont on parle quand même depuis quelques années, le Slow TV, qui s'en vient sur Netflix ce mois-ci. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur Netflix, t'as tout le temps plein de choses à regarder, t'as seulement 24 heures dans une journée, mais l'émission norvégienne, le succès de la Slow TV, s'en vient sur le service de streaming, en fait, c'est arrivé depuis le 5 août. Le Slow TV, c'est exactement ce que le nom porte à penser. En 2009, le diffuseur public NRK a diffusé la première vidéo de cette série-là, qui était une version sans montage, uncut, de 7 heures. C'était un voyage en train entre Bergen et Oslo. 7 heures de suite, c'est un petit peu genre méditatif, zen. Les épisodes qui vont arriver sur Netflix ce mois-ci, c'est des vidéos, par exemple, de foyer, un peu comme on a sur nos câbles distributeurs au Québec, le foyer avec des bûches qui reviennent, qui brûlent et après ça reviennent à leur état de départ sans aucune transition. C'est vraiment super bien fait. Donc, il y a aussi une croisière sur l'eau. Hein? Super relax. Il y a aussi des pêcheurs qui pêchent du poisson très, très patiemment. Des épisodes de tricot aussi qui sont les plus excitants de la série, nous dit-on. La série a un marathon de tricot qui s'appelle « From Sheep to Sweater ». Donc, t'as vraiment du mouton qui, après ça, bon, on prend la laine puis on commence à faire du tricot. Puis après, c'est comme une discussion de 4 heures après ça. Le spécial, un marathon de tricoteurs, ouais. Et après ça, ouais, exactement, il y a une discussion de 4 heures sur ce qui s'est passé, ouais. Le Slow TV, donc, qui est un succès pour les publics norvégiens, avec plus de 1 million de téléspectateurs ou 20% de la population qui ont regardé une diffusion du train pendant 7 heures, dont je parlais tantôt, en 2009. On se demande si ça va être aussi populaire sur Netflix quand on a tellement de matériel. Tu sais, quand à la TV, il n'y a rien, tu zappes, tu tombes là-dessus, tu fais comme « Ah, wow, c'est donc bien relax. » Mais sur Netflix, est-ce que tu vas cliquer sur un train pendant 7 heures? Je sais pas. On va voir. La série de Woody Allen sera diffusée dès le 30 septembre sur Amazon. Oui, la première série télévisée de Woody Allen sur Amazon arrive pour l'automne. Le premier épisode de la série, une comédie intitulée « Crisis in Six Scenes », sortira le 30 septembre. Ils sont fourvoyés en mettant pas ça le 6 octobre. Il me semble Crisis in Six Scenes le 6 octobre. Ça a été cool, mais bon. La série raconte l'histoire d'une famille qui vit en banlieue en plein cœur de l'effervescence des années 1960. Celle-ci sera confrontée à des bouleversements entraînés par l'arrivée d'un visiteur. Là-dedans, il y a Miley Cyrus, Elaine May et Woody Allen lui-même qui sont dans la distribution. Ouais, c'est ça. Ensuite, un concert immersif Pour terminer, The Game of Thrones qui s'en vient à Montréal. La tournée qui inclut un orchestre, une chorale et des solistes va visiter 28 villes à travers l'Amérique du Nord en 2017. Ça se passe donc pour nous au Québec, près de nous, le 3 mars 2017 à 20h au Centre Bell de Montréal. La mise en vente des billets se fait à partir du 13 août. C'est pour ça que j'en parle maintenant. Donc 13 août, on parle de samedi. Samedi le 13 août à partir de midi. Ça coûte 52,25$ jusqu'à 144$ pour les meilleurs sièges sur Ivanco.ca. Je suis pas là pour faire de la pub, mais quand même, pour Game of Thrones, vous pourriez entrer dans le monde de Westeros avec l'expérience immersive Game of Thrones en concert. Une proposition musicale et visuelle qui donnera vie aux 7 royaumes, comme jamais auparavant. À l'aide des technologies de pointe, le compositeur de la populaire série de HBO Game of Thrones, Trône de Fer, Ramin Djawadi, accompagné par un orchestre complet et une chorale, amènera les fans dans une aventure musicale à travers l'univers de la série, de Port-Réal à Winterfell, le long des tronçons nordiques de la route royale, menant au mur et au-delà du détroit jusqu'à Braavos, Meereen et plus encore. La tournée dont la production et la promotion sont assurées exclusivement par Live Nation en partenariat avec HBO Global Licensing fera usage de technologies scéniques, audio et vidéo innovatrices afin de recréer les différents décors présents à travers Westeros et Essos. Des extraits de la série seront mis en valeur en plus de toutes les nouvelles images créées exclusivement pour la tournée. Les billets pour Montréal sont mis en vente, comme je disais, à partir de samedi 13 août. Les membres American Express peuvent acheter leurs billets avant le grand public. On dit que Ramin Djawadi a précédemment composé la musique nommée pour un Grammy du film à succès de Marvel Iron Man. Sa filmographie en tant que compositeur inclut aussi Pacific Rim, Clash of the Titans et Warcraft. En plus de celle pour Game of Thrones, Ramin a reçu des nominations au prix Emmy pour les séries télévisées Flash Forward sur ABC et Prison Break sur Fox. Les projets à venir de Ramin incluent la très attendue série de HBO Westworld. Voilà. C'est tout pour Television Television, une belle petite demi-heure de nouvelles. On s'est renseigné en début de semaine, en fin de semaine dernière, j'avais comme 3 nouvelles. Puis là, lundi à mercredi, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, ça arrêtait plus les grosses nouvelles. C'est cool, allez voir ça sur assemblagerequis.com pour lire les articles au complet, pendant que nous, on s'en va entendre de la musique chiptune, c'est-à-dire l'artiste 8-Bit Freak. Voici Sesamstrasse's Theme, Der Deides. Mon allemand n'est pas super bon, là, mais quand même, faut faire avec. Hein. Des fois, c'est ça. 8-Bit Freak au Mathieu Planchot dans 20 secondes. Wow, 20 secondes pour vrai, je l'avais téléchargé au début puis ça n'a pas marché apparemment. Fait qu'il faut que je la télécharge. Des fois, c'est un peu long. Mais bon, tantôt, on va voir. Ah, je pense que c'est parce que le fichier coupe avant la fin. Je pense que le fichier doit briser. C'est ça exactement. Ah ben ça c'est triste, il va falloir en prendre une autre, on va laisser faire ça. Tout ça pour dire que pendant que je cherchais tout à l'heure, on va avoir Merci Science pour remercier la science d'exister. Plus tard on va avoir le Sigma Geek, CNX, question d'autre qui s'en vient aussi, c'est de fait Tech Edition. Mais pour l'instant, ça va entendre une pièce de Dai Tin Shi qui s'appelle Sub-Zero. Voilà, ça devrait fonctionner ici. MPS, le Mathieu Planchot sur ses... We'll be right back. pièce Not In Those Shoes par Out of Space Man ou encore OSM. Avant, c'était Sub-Zero par Diet and She. Et maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Et on commence avec l'épilepsie. Pourquoi pas? Des chercheurs viennent de créer pour la première fois un cerveau virtuel simulant une épilepsie. De quoi mieux comprendre le fonctionnement de la maladie, mais aussi aider à préparer des gestes chirurgicaux, par exemple. On va recommencer avec plus d'intonation. 1% de la population mondiale souffre de l'épilepsie. La maladie affecte les individus différemment, d'où l'importance d'un diagnostic et d'un traitement individualisé. Or, actuellement, les moyens de comprendre les mécanismes de cette pathologie sont peu nombreux et relèvent surtout de l'interprétation visuelle d'un IRM et d'un électroencéphalogramme. Ça s'avère autant plus difficile que 50% des patients ne présentent pas d'anomalie visible à l'IRM et que la cause de leur épilepsie reste donc inconnue. Des chercheurs ont réussi pour la première fois à élaborer un cerveau virtuel personnalisé en concevant un modèle de base et en y additionnant les informations individuelles du patient, comme la façon propre à chaque individu dont sont organisées les régions de son cerveau et l'interconnexion des aires entre elles. Le résultat permet de tester des modèles mathématiques engendrant une activité cérébrale. Les scientifiques ont ainsi pu reproduire le lieu d'initiation des crises d'épilepsie et leur mode de propagation. Ce cerveau a donc une véritable valeur de prédiction du fonctionnement des crises pour chaque patient, ce qui offre un diagnostic beaucoup plus précis. Par ailleurs, 30% des patients épileptiques ne répondent pas aux médicaments. Leur seul espoir reste alors la chirurgie. Celle-ci est efficace si le chirurgien a de bonnes indications sur les zones à opérer. Le cerveau virtuel permet aux chirurgiens d'avoir une plateforme virtuelle. Ils peuvent ainsi repérer les zones à opérer en évitant, pour ce faire, d'avoir à procéder à un geste invasif et surtout de préparer l'opération en testant différents gestes possibles, en voyant lequel est le plus efficace et quelles sont les conséquences, chose évidemment impossible à faire sur le patient. À terme, le but de l'équipe est d'offrir une médecine personnalisée du cerveau en proposant, grâce à la virtualisation, des solutions thérapeutiques individualisées et spécifiques pour chaque patient. Les chercheurs travaillent actuellement sur des essais cliniques afin de démontrer la valeur prédictive de leur découverte. Cette technologie est par ailleurs à l'essai sur d'autres pathologies affectant le cerveau comme l'AVC, Alzheimer, les maladies neurodégénératives ou la sclérose en plaques. Ces travaux publiés en ligne sur le site de la revue Neuroimage impliquent des chercheurs de l'Institut de neurosciences des systèmes INSERM AMU, du Centre de résonance magnétique biologique et médicale CNRS AMU APHM, du département épileptologie du département neurophysiologie clinique de l'APHM et l'Epilepsy Center Center de Cleveland. Ils ont été réalisés au sein de la Fédération Hospitalo-Universitaire EpiNext. Des noms qui n'ont pas rapport. L'orgasme féminin serait un vestige de l'évolution. À quoi sert l'orgasme féminin? Selon des chercheurs américains, il aurait joué un rôle prépondérant dans le déclenchement de l'ovulation chez nos très lointains ancêtres, avant de perdre cette fonction et devenir uniquement une source de plaisir. Depuis l'Antiquité, l'orgasme féminin, oui, intrigue les spécialistes qui ont tenté sans grand succès d'expliquer son rôle, alors que, comme le notait déjà Aristote, les femmes peuvent concevoir sans rien ressentir. Chez les hommes, en revanche, l'orgasme est nécessaire pour l'éjaculation et le transfert de sperme. Pour comprendre l'origine de l'orgasme féminin, Gunther Wagner de l'Université Yale et Mihaela Pavlicev de l'Hôpital des enfants de Cincinnati se sont intéressés à la décharge de prolactine et d'ocytocine dans le système sanguin qui accompagne l'orgasme féminin. Il y a 60 à 65 millions d'années. Cette libération d'hormones jouait un rôle dans l'ovulation chez la plupart des femelles mammifères, selon Gunther Wagner. Mais par la suite, certains ont évolué vers une ovulation cyclique, rendant l'orgasme superflu. Les chercheurs ont également découvert que la position du clitoris s'est éloignée du vagin chez les mammifères à ovulation spontanée comme l'être humain, rendant la stimulation plus difficile lors du rapport sexuel. Je cite, « Ceci peut expliquer pourquoi certaines femmes parviennent à l'orgasme grâce à la masturbation ou à la stimulation clitoridienne », notent les chercheurs dont les travaux sont publiés dans la revue Journal of Experimental Zoology. S'il ne sert plus à l'évolution, les chercheurs estiment que l'orgasme peut avoir d'autres fonctions comme celui de favoriser une liaison affective. Un moustique OGM de lutte contre le Zika inoffensif pour la nature. Un moustique, c'est un article en passant du Devoir, génétiquement modifié pour empêcher la prolifération de cet insecte qui transmet notamment la dengue. Et le virus Zika ne devrait pas représenter de danger pour l'environnement, a indiqué l'Agence américaine du médicament. La FDA, qui a étudié des milliers de commentaires du public depuis le mois de mars, a estimé que le champ d'essai proposé du moustique OX513A, mis au point par la société britannique Oxitec, n'aura pas d'impact considérable sur l'environnement. Les moustiques mâles ont été génétiquement modifiés pour que leur progéniture meure avant d'atteindre l'âge adulte, ce qui, selon Oxitec, permettra de réduire la population de moustiques Aedes aegypti qui peut propager chez les humains des maladies virales comme le virus du Zika, la dengue, la fièvre jaune ou le chikungunya. On dirait une sorte de soupe. Je te prendrai une chikungunya, s'il te plaît. Cette prise de position de la FDA ne signe néanmoins pas que ce moustique OGM a reçu une approbation immédiate pour sa commercialisation, a précisé l'agence fédérale dans un communiqué. Le département de contrôle des moustiques dans les Florida Keys, chapelet d'île à la pointe de cet état du sud-est des États-Unis, devrait notamment soupeser l'occasion de donner son feu vert et le cocher, le calendrier des essais. Ce programme consiste à libérer dans la nature des mâles Oxitec pour qu'elles s'accouplent avec des femelles Aedes aegypti. Seules les femelles piquent et inoculent les maladies. Toute larve née de cet accouplement mourra rapidement, réduisant donc la population des moustiques. La perspective de faire de même dans les Florida Keys a suscité une forte opposition chez de nombreux riverains. Une pétition sur le site Change .org a récolté plus de 168 000 signatures. On verra ce que ça donne dans le futur. Les nanomachines naturelles répartitrices d'ADN nous aideront contre le cancer. Mal réparées, les cassures de la double hélice d'ADN peuvent être à l'origine des cancers. Une équipe vient de percer le secret du fonctionnement de mécanismes naturels. Des sortes de nanomachines patrouillent rapidement le long de la grande molécule pour effectuer des soudures là où il faut. Dans les traitements de cancer, la compréhension pourrait apporter une meilleure efficacité. Une question qui subsiste dans l'étude des mécanismes de la réparation des cassures double brin de l'ADN est de comprendre comment les deux fragments d'ADN issus d'une cassure sont reconnus et maintenus ensemble afin d'assurer la soudure des deux bonnes extrémités de la cassure. Comprendre ce mécanisme est important car des recollages inadéquats entre les extrémités d'ADN provenant de molécules différentes conduiraient à la formation de translocations chromosomiques, souvent associées au déclenchement de cancers, des cellules sanguines telles que des leucémies et des lymphomes. En utilisant des techniques de pointe, de micromanipulation et de visualisation de molécules uniques, les chercheurs des équipes de Moro Modesti et du Centre de recherche en cancérologie de Marseille, en collaboration avec des physiciens de l'Université VU d'Amsterdam, Erwin Petermann et Guy Swit, ont découvert que les deux protéines humaines appelées XRCC4 et XLF forment des gaines qui coulissent très rapidement le long de la double hélice de l'ADN, telles des nanopatrouilles. Dès qu'une cassure est repérée, deux patrouilles XRCC4XLF, BBIZZX44, on dirait BB, agrippent chacune des extrémités cassées et s'assemblent à la manière de velcro pour maintenir ensemble les deux morceaux de la molécule d'ADN en vue de sa réparation. Cette découverte fondamentale permettra à terme de détecter et donc de pouvoir soigner certains syndromes génétiques rares et des leucémies. Plus généralement, elle ouvre aussi de nouvelles perspectives et identifie des cibles pour améliorer l'efficacité des traitements anticancéreux par radiothérapie ou chimiothérapie, dont le but est de casser l'ADN des cellules cancéreuses pour les détruire. L'étude vient de paraître dans la revue Nature. Les requins victimes de la musique des vidéos. Des images de requins sur la musique des Dents de la Mer, et bien voilà comment renforcer l'image négative dont pâtissent ces animaux dans l'opinion publique. Et si les fonds musicaux choisis pour illustrer les reportages sur les requins nuisaient aux efforts de conservation de ces poissons? En 1975, les Dents de la Mer montraient un requin qui terrorisait un groupe d'étudiants sur une île au large des côtes du Massachusetts. La musique du film, maintenant devenue célèbre, avait été composée par John Williams. Encore aujourd'hui, les requins n'ont pas une bonne image dans l'opinion publique, probablement à cause de la peur des attaques. Cette crainte instinctive est renforcée par la médiatisation de ces événements, qui restent assez rares. Mais aussi menaçants qu'ils paraissent, les requins ont besoin d'être protégés. Environ 100 millions de requins sont tués chaque année, ce qui est supérieur à leur taux de renouvellement. Conséquence, les populations déclinent. Le risque d'extinction est plus important pour les poissons chondrichtiens, comme les requins et les raies, que pour la plupart des autres vertébrés, car les espèces de poissons chondrichtiens sont menacées à cause de la surpêche et la dégradation de leur habitat. Or, les scientifiques ont aussi besoin de soutien de l'opinion publique pour mener à bien leurs efforts d'observation. Attention. Oh, et non. Absolument pas. Oubliez ce que j'étais en train de dire. On recommence cette phrase-là. Un quart des espèces de poissons chondrichtiens sont menacées à cause de la surpêche et la dégradation de leur habitat. Or, les scientifiques ont aussi besoin du soutien de l'opinion publique pour mener à bien leurs efforts de conservation. Contrairement aux films hollywoodiens, les documentaires sur les requins devraient rester objectifs en montrant la réalité de leur habitat naturel, mais ces reportages utilisent-ils une musique appropriée? Dans une étude parue dans PLOS ONE, les chercheurs ont voulu savoir si la musique des documentaires sur les requins pouvait influencer l'opinion publique. Pour connaître l'effet de la musique des documentaires, les chercheurs de l'Université de Californie à San Diego, à la Jolla, ont recruté 2181 personnes. Ces volontaires devaient regarder une vidéo d'une minute de la BBC provenant de la série Blue Planet qui montrait des requins qui nageaient innocemment. Certains ont regardé la vidéo avec la musique du documentaire, donc Shark, c'est une musique plutôt inquiétante. D'autres avec une musique plus apaisante, qui est le thème principal de la série Blue Planet, et d'autres encore dans le silence. Les personnes qui ont regardé la vidéo avec sa musique originale inquiétante avaient plus d'attitudes négatives vis-à-vis des requins que celles qui la regardaient avec une musique apaisante ou sans musique. Ces attitudes négatives n'étaient pas seulement dues au thème musical, mais c'est la combinaison de la musique avec la vidéo. Il n'y avait pas d'effet du son dans les images. La musique de fond pourrait donc susciter de la peur chez les téléspectateurs. Je pense que c'est le but même de ces trames sonores-là, mais bon. Je comprends pas qu'il y a besoin d'une étude, là, c'est que ça a été créé pour ça. Le problème est que cette opinion négative du public peut avoir un impact sur les efforts de conservation, comme l'explique Elizabeth Keenan, co-auteur de l'étude, qui affirme dans Forbes, je cite, « Une opinion publique négative et la peur des requins continue d'entraver les efforts de conservation. » Conclusion, les réalisateurs de reportages sur les requins devraient éviter les musiques anxiogènes pour la survie de ces animaux. Pourquoi les enfants Amish ont moins d'asthme? Eh bien, c'est grâce aux microbes, apparemment. Les enfants qui grandissent dans les communautés traditionnelles Amish dans l'Indiana sont mieux protégés contre l'asthme que les utérites dans le Dakota du Sud. La différence viendrait des méthodes d'élevage qui exposent davantage les premiers aux microbes des animaux de la ferme, selon une étude. Les Amish vivent dans des fermes laitières où ils utilisent des chevaux comme un moyen de transport et pour les travaux de champ, alors que les utérites, quant à eux, utilisent des outils modernes pour exploiter leurs fermes communes et sont ainsi moins en contact direct avec les animaux. La plupart des aspects de la vie de ces deux communautés sont par ailleurs assez semblables. Ils ont des ancêtres génétiques communs, des migrants d'Europe centrale, et leur régime alimentaire, identique à ceux des fermes traditionnelles germaniques, sont similaires. Ils boivent du lait cru, ils font vacciner leurs enfants, qui sont nourris au sein. Ils n'ont pas d'animaux domestiques à l'intérieur de leur maison, mais malgré ces importantes similitudes, les taux d'asthme dont ils souffrent sont très différents. Seulement 5% des enfants en âge d'être scolarisés ont de l'asthme chez les Amish, la moitié de la moyenne nationale américaine. À l'inverse, les enfants utérites connaissent un taux d'asthmatique inhabituellement élevé à 21,3%, constate l'étude. Et il y a plus de 10 ans, quelqu'un qui s'appelle Erika Volmutius a découvert que grandir dans une ferme pouvait protéger contre l'asthme, explique une professeure de génétique humaine à l'Université de Chicago et co-auteur de l'étude qui est parue dans New England Journal of Medicine. Je cite, notre nouvelle étude basée sur ces travaux montre que ce n'est pas le simple fait de vivre à la ferme qui est important en la matière et nous avons trouvé des raisons plus précises sur ce qui peut protéger contre l'asthme. Les chercheurs ont découvert que la différence tenait au type de poussière à l'intérieur de leur maison. Celles dans les habitations des Amish sont plus riches en production microbienne. Ni les maisons des Amish ni celles des utérites ne sont sales. Tiennent à noter les odeurs. C'est sale, fait que mon cerveau dit odeur. Elles sont propres, toutefois, les granges des Amish sont plus proches des maisons et les enfants courent à travers, souvent pieds nus à longueur de temps. Il n'y a pas de saleté apparente dans leur maison, mais c'est juste dans l'air, la poussière. Voilà. Et c'est cette poussière qui pousse le système immunitaire des enfants à combattre l'asthme. Les tests sanguins menés sur 30 enfants Amish et 30 utérites âgés de 7 à 14 ans ont ainsi montré que les premiers avaient davantage de cellules cruciales pour combattre les infections, reconnues sous le nom de neutrophiles. Ils avaient aussi moins de cellules déclenchant des réactions allergiques. Je cite, nous espérons que nos découvertes permettront l'identification de substances pertinentes qui ouvriront la voie à de nouvelles stratégies pour prévenir l'asthme et les allergies. Les Amish, en passant, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe religieux qui refuse la vie moderne. Ils ont leurs propres écoles, parlent un dialecte allemand, portent des vêtements traditionnels, se déplacent en carriole à cheval et refusent pour beaucoup l'électricité. Ils sont environ 280 000 à vivre aux États-Unis. Les avions du futur, tiens, après avoir parlé du passé, parlons du futur. Les avions du futur seront-ils plus légers grâce à des nanotubes de carbone? Rendre plus solide un matériau composite avancé sans l'alourdir, les ingénieurs aéronautiques peuvent en rêver. Les physiciens du MIT l'ont fait en ajoutant des nanotubes de carbone capables de tisser des liens microscopiques, apportant un gain de 30% pour l'instant au laboratoire. Tout le monde a son talon d'Achille, nous dit l'article de Futura Science. Pour les matériaux composites avancés, c'est leur étonnante vulnérabilité, notamment au niveau des ondes de collage. Mais des ingénieurs américains du MIT proposent aujourd'hui de les rendre plus résistants grâce à des nanotubes de carbone. Les matériaux composites avancés, parmi lesquels les plastiques renforcés de fibres de carbone, présentent l'avantage d'être très légers. Une caractéristique qui intéresse tout particulièrement le secteur de l'aéronautique. Selon Steven Tsai, professeur émérite en aéronautique et en astronautique à l'Université de Stanford, je cite, « Aucun matériau ne peut aujourd'hui rivaliser avec eux pour la légèreté. » Ainsi, grâce à l'utilisation de matériaux composites avancés, les Airbus et les Boeing, les plus récents, sont plus légers de 20% que les avions construits à partir d'aluminium. Et si l'industrie aéronautique ne doutait pas tant des capacités de ces composites à résister aux impacts, leur emploi généralisé permettrait de réduire de manière bien plus conséquente encore les poids et les et donc les consommations et les émissions des avions civils. Car malheureusement, les plastiques renforcés de fibres de carbone sont particulièrement sensibles aux impacts. Les différentes couches qui les composent, en effet, ont la fâcheuse tendance à se fissurer. Aujourd'hui, les couches de composite sont maintenues par une colle polymère. Des tentatives ont été menées pour renforcer ce point faible, parmi lesquelles l'épinglage de fibres en Z ou le tissage 3D. Ces méthodes impliquent de pénétrer le composite avec des épingles ou des fibres bien plus grosses que les fibres de carbone. De ce fait, elles fragilisent le composite en abîmant sa structure. Pour résoudre le problème, les chercheurs du MIT ont eu l'idée de mettre en œuvre des nanotubes de carbone aussi microscopiques que résistants. Ils ont mélangé des nanotubes de carbone alignés verticalement grâce à une méthode développée précédemment par le groupe du professeur Brian Wardle, l'un des auteurs de l'étude, à une matrice polymère semblable à une colle. Ils ont ensuite pressé le mélange entre les couches de composites. Les nanotubes se sont alors glissés dans les interstices laissés par les fibres de carbone, comme pour tisser des points entre les couches et les maintenir ensemble. Après avoir soumis leurs nouveaux matériaux à différents tests classiques du secteur de l'aéronautique, comme la compression et traction autour d'un défaut, par exemple, les ingénieurs américains ont conclu qu'ils étaient quelque 30% plus résistants aux diverses sollicitations que les composites avancés classiques. Avec leur surface 1000 fois supérieure à celle des fibres de carbone, les nanotubes se lient bien plus facilement à la matrice polymère, explique M. Wardle. Wardle. L'obésité vieillit le cerveau. Eh bien, vers 50 ans, l'atrophie cérébrale semble plus importante chez des personnes obèses ou en surpoids. La diminution de la matière blanche observée correspond à un vieillissement cérébral de 10 années par rapport à des personnes minces, mais les capacités cognitives ne sont pas touchées. Si le cerveau rapetisse naturellement avec l'âge, les scientifiques ont envisagé que ce processus pouvait aussi être affecté par l'obésité. Pour en savoir plus, une équipe de chercheurs de l'Université de Cambridge, oui, en Angleterre, a mené une analyse transversale, donc une méthode d'observation d'une population à un instant donné dans le temps. De 473 participants âgés de 20 à 87 ans, l'étude a été publiée dans la revue Neurobiology of Aging. Parmi les sujets, 246, dont 51% étaient considérés comme minces avec un indice de masse corporelle entre 18,5 et 25. 31% étaient en surpoids avec un IMC entre 25 et 30. Et les autres étaient obèses avec un IMC de plus de 30. Ces volontaires ont été partagés en deux groupes, un mince, un en surpoids, avant un examen par IRM afin d'évaluer leur volume cérébral. On a également testé leur capacité cognitive. Les chercheurs ont tout d'abord trouvé des différences de taille entre les cerveaux des deux groupes au niveau du volume de la substance blanche, donc le tissu du système nerveux central par lequel les différentes régions du cerveau communiquent entre elles. Les personnes en surpoids enregistraient une importante réduction de ce volume en comparaison avec les sujets du groupe mince. Les chercheurs ont aussi remarqué que les personnes en surpoids d'âge moyen, par exemple âgées de 50 ans, affichaient un volume de substance blanche comparable à celui d'une personne mince de 60 ans, suggérant une différence d'âge cérébral de 10 ans. Comme les différences ont été remarquées qu'à partir de cet âge-là, les résultats laissent penser que le cerveau serait particulièrement vulnérable pendant cette période. En revanche, malgré les différences de volume de substances blanches entre les deux groupes, ils n'ont pas noté de lien entre le surpoids ou l'obésité et les capacités cognitives. Ces résultats ne permettent pas de conclure que l'obésité cause les changements cérébraux, ni même si, à l'inverse, elle peut être une conséquence des changements cérébraux. On souligne que la population est vieillissante avec des niveaux d'obésité croissants, et est donc essentiel d'établir la manière dont ces deux facteurs pourraient interagir au vu des conséquences potentiellement graves sur la santé. Il sera aussi important de découvrir si ces changements pourraient être réversibles avec la perte de poids, ce qui pourrait bien être le cas. C'était une citation ici. Une presse à laser simule le centre de la Terre et les exotères. Un puissant laser peut générer des pressions très élevées sur un matériau jusqu'à permettre de simuler les conditions régnant au centre de la Terre et même de planètes rocheuses plus osseuses. De quoi mieux étudier la formation de notre planète, mais aussi celle des exotères. L'une des tâches de la cosmogonie, est de fournir des modèles de la formation des planètes du système solaire et plus généralement maintenant des exoplanètes. Il ne s'agit pas seulement de résoudre des problèmes de mécanique céleste, mais aussi des cosmochimies. Je mets les mauvais articles au mauvais endroit. On peut les aborder en étudiant la minéralogie des roches du manteau de la Terre et en la comparant à celle des météorites. Cela fait donc intervenir des expériences sur le comportement des minéraux, des roches à haute pression et haute température. Il y a essentiellement deux raisons à ça. La plus évidente est que plus on s'enfonce à l'intérieur de la Terre, plus la température et la pression augmentent. La seconde est que des conditions physiques extrêmes se sont également produites lors du processus d'accrétion de la Terre. En effet, au tout début de l'ADN, qui a commencé il y a environ 4,56 milliards d'années, notre planète s'est formée grâce à des collisions et captures de corps célestes, dont certaines dépassaient la centaine de kilomètres de diamètre. Devenant de plus en plus massive, son attraction a augmenté, donnant lieu à des chocs de plus en plus violents, libérant de la chaleur capable de faire fondre les roches. On pense d'ailleurs que le bombardement a converti tellement d'énergie potentielle gravitationnelle en énergie thermique qu'un océan de magma profond de plusieurs centaines de kilomètres et peut-être 1000 a existé à la surface de la Terre. Des processus similaires ont dû survenir pour la naissance d'exotères et même de super-terres comme Corot 7b. afin de comprendre le processus d'accrétion à l'origine des planètes rocheuses et ses conséquences sur leur structuration. Un groupe de chercheurs japonais des universités d'Hiroshima, Tokyo, Osaka et Ehime a essayé de reconstituer les processus physio-chimiques engendrés par les impacts des petits corps célestes. Pour ce faire, comme il l'explique dans un article chez Science, les géophysiciens et les ingénieurs ont provoqué la fusion et la compression d'un minéral appelé forstérite, à l'aide du laser Gecko 12, utilisé notamment dans des expériences de fusion contrôlée inertielle. Sous forme de péridot, une variété d'olivine présente dans une roche appelée péridotite, la forstérite de formule Mg2SiO4 est un des composants majeurs des roches du manteau. On en retrouve dans les météorites, la poussière cométaire ramenée sur Terre par la sonde Stardust et même dans les disques protoplanétaires entourant de jeunes étoiles comme l'a montré Spitzer. C'est donc bien un minéral important pour comprendre la genèse des planètes. Les ondes de choc provoquées par l'impact d'un faisceau laser intense sur des échantillons de forstérite ont permis de leur faire subir des pressions comprises entre 250 et 970 gigapascal, donc des GPA, alors que les expériences précédentes ne permettaient que d'atteindre 200 GPA. On se rappelle que la pression au centre de la Terre est environ à 360 GPA. L'un des résultats des expériences avec la fusion de la forstérite sous l'effet de l'impact de planétésimaux est que le liquide obtenu à base d'oxyde de magnésium a pu s'enfoncer jusqu'au noyau où le magnésium aurait fini par s'incorporer à l'alliage de fer et de nickel. Un noyau comportant environ 1% de magnésium et se refroidissant aurait provoqué la précipitation de roches contenant du magnésium à l'interface avec le manteau. Certains chercheurs ont avancé que c'est ce processus qui aurait libéré suffisamment de chaleur pour entretenir le géodynamo et le champ magnétique de la Terre avant que le relais ne soit pris par la solidification de la graine. On va revenir aux insectes. Insectes et araignées préfèrent les quartiers riches. En milieu urbain, la diversité des araignées, des mille-pattes et des insectes est plus grande dans les habitations des quartiers cossus, selon une étude menée aux États-Unis. Ce serait probablement dû à la végétation extérieure généralement plus abondante. Où que nous vivions, nous partageons notre intérieur avec des animaux, qu'ils y soient les bienvenus quand il s'agit d'animaux de compagnie ou qu'ils ne soient pas vraiment invités comme les mouches, les araignées, les autres puces. Dans les conscients collectifs, par contre, les beaux quartiers sont plutôt perçus comme des lieux dépourvus d'insectes nuisibles et autres animaux rampants ou volants. Pourtant, l'étude de la biodiversité à la proximité des habitations montre qu'il existe un effet luxe. La richesse d'un lieu semble corrélée à la biodiversité présente dans l'environnement. Ainsi, dans les beaux quartiers, se rencontre une plus grande diversité d'espèces, de plantes ou d'animaux, comme les oiseaux, chauves-souris, lézards. La présence de plantes dans l'environnement citadin dépend des choix d'urbanisme, mais aussi des ressources financières présentes. Et la présence de plantes influence celle des animaux, comme les anthropodes qui trouvent chez elles un habitat et une source de nourriture. Mais qu'en est-il à l'intérieur des maisons? Des chercheurs californiens ont mené une enquête dans 50 logements à Raleigh, en Caroline du Nord. En Caroline du Nord et dans ses environs, ils ont récupéré des anthropodes vivant à l'intérieur des logements. Les rebords de fenêtres, les barres de plancher, les toiles d'araignée dans les coins étaient des endroits riches en anthropodes vivants ou morts. Les résultats de cette étude parue dans PeerJ montrent la grande diversité des espèces vivant dans les habitations, entre 32 et 211. En moyenne, un logement contient une centaine d'espèces d'anthropodes. On veut pas savoir ça, mais la majorité sont connues. Mouches, diptères, araignées, coléoptères, les cafards, guêpes, fourmis, comme c'est des hyménoptères. 98% des habitations avaient des socs ou des poux de livres qui se nourrissent de moisissures. Et 100% des moucherons de la famille des scissidomies, des insectes moins connus. J'aurais aimé ne pas lire ce paragraphe. Ensuite, les chercheurs ont voulu savoir pourquoi certaines habitations renfermaient davantage de diversité que d'autres. Ils ont combiné leurs résultats avec des images satellites montrant la végétation. D'après un second article paru dans Biology Letters, plus une banlieue est riche, plus la diversité à l'intérieur des habitations est grande et la corrélation liée à la surface de sol présente dans l'environnement. Dans les secteurs où il y avait plus de sol, la richesse du quartier n'affectait pas vraiment la diversité des anthropodes, mais quand il y avait moins de sol dans l'environnement, le revenu faisait une différence. La végétation affecte les anthropodes présents dans les habitations, car beaucoup sont en fait des animaux vivant à l'extérieur qui se sont retrouvés accidentellement dans les habitations. Si la végétation est rare à l'extérieur, il n'y a pas tellement d'habitat pour des insectes ou des araignées. Jusqu'à présent, les recherches sur l'entomologie urbaine s'intéressaient plutôt aux espèces nuisibles comme les moustiques ou les puces, mais la plupart des arthropodes... Est-ce que j'ai dit anthropode précédemment? Je crois que j'ai dit arthropode. Vivant dans nos maisons sont inoffensifs. Certains seraient même bénéfiques car ils se chassent les uns les autres. Les arthropodes vivant dans les maisons pouvant donc influencer les populations de nuisibles qui sont des vecteurs de maladies. Ils jouent aussi un rôle dans les allergies et le microbiome. Ah, ces articles sur les moustiques et sur les bibittes à poils, j'aime pas ça. Mais voilà, c'est tout pour Merci Science. Merci Science. Les liens sont sur assemblagerequis.com. On s'en va entendre une pièce de chiptune, bien sûr, pour passer au prochain bloc. Voici Impulses avec Pressure. Et après ça, ce sera CNX, le segment geek, technologie, informatique, jeux vidéo. Bonjour. Larsen c'est Liquid Core, mais la pièce Hold Hands Over Borders, et avant ça c'était Pressure par Impulses au Mathieu Plancho. Maintenant c'est le segment Geek Scenix. Cédric, c'est la chronique dans laquelle on parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Encore une fois, c'est bizarre, il ne s'est rien passé depuis la dernière émission, à part tout ce qui s'est passé aujourd'hui et hier. Genre, c'est comme la grosse période était juste là. On commence en parlant de robots. Le robot humanoïde animé par sa seule intelligence artificielle. Exposé au Musée national des sciences émergentes et de l'innovation de Tokyo, Alter est un robot humanoïde dont les mouvements sont uniquement dirigés par un réseau neuronal qui s'appuie sur une série de capteurs simulant des capacités sensorielles. Si loin d'une gestuelle qui s'apparente à un comportement humain, Alter n'en donne pas moins l'impression d'avoir quelque chose de vivant. À première vue, oui, le robot que l'on voit agir dans une vidéo sur assemblagerequis.com aurait encore bien besoin d'être perfectionné. Ses mouvements erratiques sont incohérents et les sons qu'il produit semble totalement aléatoire. Et pourtant, on a sous les yeux une impressionnante prouesse technologique. Alter est le premier robot humanoïde à fonctionner entièrement avec une intelligence artificielle. Plus précisément, c'est un réseau neuronal qui anime la machine sans la moindre intervention humaine. Conçu par une équipe rassemblant des spécialistes en robotique des universités de Tokyo et d'Osaka au Japon, Alter est actuellement exposé au Miraikan, le musée national des sciences émergentes et de l'innovation de la capitale japonaise. L'intelligence artificielle s'appuie sur des capteurs disséminés sur le robot qui détectent la proximité, les sons, la température et l'humidité. Elle donne vie à la machine par l'intermédiaire de 42 actionneurs pneumatiques. Le réseau neuronal exploite les données des capteurs pour alimenter un générateur central de modèles qui crée les mouvements sans la moindre intervention extérieure. Il utilise ce qu'on appelle un réseau de neurones impulsionnels basé sur le modèle d'Ezikevich. Un événement se produit, donc en l'occurrence une information envoyée par un capteur, et le système va en générer un signal lequel s'entremêle avec ceux des autres neurones. De ces collisions naît un mouvement. Ainsi, aucun geste n'est programmé à l'avance. Alter invente son propre rythme. Comme on peut le voir dans la vidéo sur assemblagerequis.com, les gestes et attitudes d'Alter n'ont aucune signification les rapprochant d'un comportement humain. Mais il donne le sentiment que la machine est en quelque sorte vivante. Une impression accentuée par le fait que le robot s'exprime en produisant des sortes de vocalises sinusoïdales qui correspondent au mouvement de ses doigts. Cette expérimentation soulève de nombreuses questions. Pour le moment, Alter n'a pas de jambes. Comment se comporterait-il s'il pouvait se mouvoir? Si son intelligence artificielle ne suit pour l'instant aucune logique, un réseau neuronal plus sophistiqué, comme il en existe déjà, pourrait-il affiner ce comportement et lui donner une cohérence? Une chose est certaine, les grands progrès qui s'accomplissent actuellement en robotique et en intelligence artificielle laissent penser qu'on est qu'au début de cette exploration. Toujours chez les robots, accepteriez-vous de vous faire tatouer par un robot industriel? Deux designers français basés à San Francisco ont modifié un robot industriel pour que ce dernier devienne tatoueur. Une expérience qui, si elle n'est pas un échec, est tout de même un peu stressante. Quoique ça pourrait donner une idée pour une télé-réalité à Musique Plus cet automne. Se faire tatouer une partie du corps est une expérience personnelle qui nécessite d'avoir confiance en son tatoueur. Mais lorsque ce dernier est un robot, une machine industrielle reconvertie, en plus, est-ce qu'on a réellement envie de se faire marquer à vie? Pierre M. et Johan Da Silveira, deux artistes français qui viennent de l'ENSCI, se sont interrogés sur la question. Au sein du collectif artistique Pier 9, où ont été en résidence et en collaboration, hein? Où ont été, ça veut rien dire. Et en collaboration, personne se relie sur Internet, toi? En collaboration avec l'éditeur de logiciels de conception et de modélisation Autodesk, ils ont entrepris de transformer un robot industriel en tatoueur. Les deux designers n'en étaient pas à leur premier essai puisqu'ils avaient déjà converti une imprimante 3D MakerBot en machine à tatouer, mais le manque de mobilité de l'appareil les avait poussés à aller plus loin. Le robot industriel sur lequel ils ont jeté leur dévolu se trouve normalement dans des usines comme celles qui fabriquent les voitures. Ce grand bras mécanisé, habitué à faire du travail de précision, a été transformé donc en tatoueur. Comme une vidéo le dévoile sur assemblagerequis.com, c'est Pierre M. lui-même qui a joué les cobayes de ce tatoueur, pas comme les autres, chargé de réaliser une spirale indélébile sur son mollet. La jambe du designer a été scannée en 3D avant d'être attachée pour rester le plus immobile possible, le dessin ayant été réalisé d'une traite par la machine. Imaginez, ça doit être vraiment mathématiquement impressionnant là, comme formule pour avoir exactement le tatou sans aucune faiblesse, sans aucune faute dedans. Ces résultats s'avèrent conformes aux attentes et très précis. L'absence de communication entre le tatoué et le tatoueur, ainsi que la nécessité de tatouer une unique ligne, démontre rapidement la limite d'un tel procédé. Ça va ressembler à du néon, il va falloir qu'il y ait comme une minuscule ligne entre les affaires, tu sais, genre tu pourras avoir des lettres séparées pour l'instant. Accepteriez-vous donc de confier une machine à une machine où il a la tâche de marquer votre peau à vie? Si la précision du trait est bien présente, ce qui fait du tatouage une œuvre d'art fait tout de même défaut ici, c'est que l'expérience est concluante, mais elle tend malgré tout à démontrer que les robots ne peuvent pas tout remplacer, ce qui est finalement assez rassurant quand on y réfléchit, nous dit Clubic.com. 1007 robots ont dansé ensemble pour battre un record du monde. Ça s'est passé en Chine. Donc, le record du plus grand nombre de robots dansant ensemble a été battu. 1007 petits robots dansant à l'unisson pendant 60 secondes et le record du monde a été battu. Le précédent record du genre a été enregistré par le Guinness World Records, faisant état de 540 robots danseurs et avait été battu durant les festivités. Les festivités du Nouvel An chinois en février dernier. La performance a eu lieu à la fin du mois de juillet à Shandong en Chine durant le festival de la bière de Qingdao, un événement qui se rapproche de l'Oktoberfest. L'entreprise Everwind Company Unlimited a conçu et apporté sur les lieux du festival plus d'un millier de robots qui ont été installés dans l'optique de danser ensemble durant une minute pour homologuer le record. À la base, plus de 1007 robots étaient de la partie, mais certains ont été disqualifiés en raison de dysfonctionnement. L'entreprise avait cependant prévu suffisamment large pour battre à coup sûr le record. Pour les contrôler et les synchroniser, un seul appareil mobile a été nécessaire, doté d'une application envoyant des commandes chiffrées pour éviter les interférences. Vous pouvez voir une vidéo sur assemblagerequis.com. Toujours chez les robots, il y a des robots à Rio. Oui, Rio. Cette année, donc, aux Jeux olympiques, des robots aident les journalistes à couvrir les 306 épreuves dans les 28 sports présentés en compétition. Le Washington Post utilise l'intelligence artificielle pour l'aider dans sa couverture des Jeux olympiques, notamment pour diffuser les résultats des épreuves. En soi, c'est rien de nouveau. Plusieurs médias utilisent déjà ce genre de technologie dans leurs activités, mais l'agence de presse Associated Press automatise la publication de rapports financiers des entreprises de cette manière depuis 2014. On a déjà parlé de ça ici, avec la technologie développée par Automated Insights. Forbes fait de même avec Narrative Science. Le plus souvent, ce sont les chiffres qu'on laisse le soin aux robots de rapporter. Les nouvelles financières aux sportifs sont donc les plus susceptibles d'être confiées à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, l'agence Associated Press vient d'ajouter la diffusion des résultats du baseball aux tâches de son robot. Dans le cas du Washington Post, le robot s'appelle Heliograph. C'est une technologie développée par le journal lui-même et qui permet de générer des mises à jour des résultats sportifs pour son blog et son compte Twitter, entre autres. Exemple sur Twitter d'un post, donc c'est le compte WP Olympic Spot. Olympic Spot, oui. Qui dit, et je cite, hashtag Can wins bronze in women's rugby beating hashtag GBR. Donc le Canada gagne le bronze en rugby féminin battant la Grande-Bretagne. Tu vois, ça c'est simple. Pas besoin d'un journaliste payé à temps plein pour écrire ça. Ça va enlever des jobs à plein de monde. Le directeur des initiatives stratégiques du Washington Post, Jeremy Gilbert, explique que le potentiel d'une telle technologie est énorme. Les Olympiques, avec le volume énorme d'histoires à raconter, sont un terrain de jeu parfait pour faire des expériences. Évidemment, il n'y a pas assez de monde pour couvrir tout ça. Il raconte qu'en 2014, au dernier jeu, les journalistes sportifs ont passé des heures incalculables à publier manuellement les plus récents résultats des épreuves olympiques. Cette fois-ci, Heliograph fait le travail pour libérer une main-d'œuvre à faire autre chose, finalement, de plus important. Qui vont fournir davantage, ces gens-là, d'analyse dans l'inusité et d'informations pertinentes au lieu de juste des scores. C'est la même raison, j'imagine, que les bas d'écran et les hauts d'écran qui montrent les scores à la télé sont pas manuellement entrés par quelqu'un, nécessairement. Ça peut être pris par un fil de presse, balaboum balabing, sur la télé, tu sais. Bref, les Jeux de Rio constituent un premier test pour Heliograph, qui poursuivra ensuite sa carrière dans d'autres événements majeurs où les données abondent, donc élections présidentielles américaines, entre autres. Éventuellement, on souhaite diversifier les types de reportages et les genres de sujets qu'il couvrira. Pour l'heure, Heliograph produit de courts textes de quelques phrases pour informer les lecteurs quant aux activités du jour, aux résultats de finale et au tableau des médailles, et pour indiquer le début d'une épreuve finale, oui. Pour une station de radio, ça pourrait être de publier l'émission qui commence dans quelques instants, sans avoir à le faire 24 heures sur 24, c'est quand même assez long à faire. Pourquoi pas? Maintenant, parlons de transport. On change les robots au transport. Les bus électriques de demain s'alimenteront par biberonnage. Qu'est-ce que c'est du biberonnage? Vous allez savoir très bientôt. Faire rouler donc un bus électrique toute une journée suppose des batteries puissantes et endurantes, mais lourdes et volumineuses. D'où l'idée du biberonnage qui consiste à recharger les véhicules par petites doses à chaque arrêt pour embarquer les voyageurs. Résultat, on transporte moins de batteries et davantage de passagers. Dans une entrevue avec Futura Science et EDF Pulse, Bernard Maestrelli, au chef du groupe Optimisation énergétique et expertise des procédés industriels, dévoile les projets de recherche dans ce domaine et les possibilités qu'ils ouvrent. Donc, le passage des bus de transport en commun à l'électrique est assurément une bonne chose, et pourtant, cette évolution va poser de nouvelles contraintes qui pourraient à terme se révéler problématiques. En effet, pour être opérationnel la journée, les flottes de bus doivent être rechargées la nuit, ce qui créera un appel de puissance croissant sur le réseau électrique, lequel pourrait devenir compliqué à gérer si on se projette à l'échelle nationale. Par ailleurs, pour disposer de l'autonomie nécessaire à une journée complète de service, un bus doit embarquer pas loin d'une tonne de batterie, un poids qui a une incidence sur la charge utile du véhicule et donc sur le nombre de passagers. Il existe donc une alternative, le biberonnage. Sur le papier, l'idée est simple. Elle consiste à profiter des arrêts que le bus électrique marque sur son trajet quotidien pour recharger un peu les batteries de quelques pourcents. Au final, inutile que la charge soit complète, on injecte juste la quantité d'énergie nécessaire pour que le véhicule puisse effectuer son parcours. Du coup, la répartition de la charge sur le réseau est beaucoup plus homogène et les batteries n'ont plus à être dimensionnées pour une autonomie d'une journée. Le gain de poids obtenu, très important, permet d'embarquer davantage de passagers. Le principe du biberonnage est testé depuis quelques années avec des solutions techniques variées comme contacteurs au niveau du sol, pantographes ou bras articulés qui se déploient lorsque le bus s'immobilise. Des essais sont actuellement en cours en France, notamment à Grenoble et à Nice, ainsi qu'à Genève en Suisse. EDF s'intéresse aussi de près à ce principe de biberonnage, mais avec une approche différente que nous avons pu découvrir lors du salon VivaTech chez Futura Science, la charge rapide par induction. Le procédé a l'avantage de supprimer tout contact physique et de tolérer un positionnement moins précis du véhicule lors de l'arrêt. Une solution prometteuse qui, comme l'a expliqué Bernard Maestrelli, le chef de groupe au département recherche et développement de l'EDF, pourrait poser les bases de futures autoroutes électriques. Vous pouvez découvrir en détail comment ça fonctionne dans l'article sur assemblagerequis.com. On parle toujours de transport et maintenant, on y va avec les dirigeables. Une solution au transport du 21e siècle. Point d'interrogation. Habituellement, la règle, il y a un nom pour cette loi-là, je me rappelle pas c'est quoi, mais la règle dit que si le titre pose une question, la réponse est nécessairement non. Donc, je sais pas si ça veut dire que c'est non dans ce cas-ci. Abandonné depuis le spectaculaire accident du Hindenburg en 1937, les dirigeables pourraient bien repeupler très prochainement nos cieux à des ballons qui font de moins en moins peur. Contrairement au Montgolfière, oui, il y a eu un accident de Montgolfière récemment qui a tué plein de monde, là. Hein? Contrairement au Montgolfière qui génère leur suspension grâce à de l'air chaud, c'est de l'hydrogène très explosif qui permettait aux dirigeables de se maintenir dans les airs. Rapidement abandonnés au profit de l'hélium, plus stable mais plus rare, les dirigeables recommencent à attirer l'attention de quelques équipes de recherche qui travaillent d'arrache-pied pour repeupler nos cieux de ces géants volants. Malgré l'image dévastatrice de l'accident de Hindenburg, captée à l'époque par les caméras de télévision filmant son arrivée, les dirigeables ont subi de grosses mutations. Tant en termes de forme que de technologie, les structures sont plus plates maintenant. Ils permettent désormais de générer de la portance comme une aile afin d'offrir des capacités de cargo plus élevées. À l'étude depuis le début des années 2000, oui, le P-791, un véhicule hybride de Lockheed Martin, remet au devant de la scène les avantages que procurent ces appareils. Le premier défi étant de pouvoir rester longtemps dans les airs sans devoir se poser. Défi relevé, l'engin peut voler durant 3 semaines à plus de 20 000 pieds d'altitude sans intervention humaine. Mais qui dit long vol dit aussi risque d'avarie. L'enveloppe du ballon peut subir des dommages, même si les nouveaux matériaux le rendent beaucoup plus solide que celle de ses ancêtres, qui était constitué principalement de mélange de coton et de lin. Il faut donc une façon de la réparer en vol sans avoir obligatoirement un équipage à bord. Si on n'a pas d'humain sous la main, rien de mieux qu'un robot pour effectuer des réparations à 6000 mètres au-dessus de nos têtes. Évidemment, sur ce genre d'appareil, la moindre fuite de gaz peut avoir des résultats dramatiques et réduire considérablement le temps de vol. Pour lutter contre ces risques, la division Skunk Works de Lockheed Martin a mis au point des robots qui se chargent de boucher n'importe quel trou apparaissant sur l'enveloppe du dirigeable. Composé de deux parties, l'une à l'intérieur de l'enveloppe, l'autre à l'extérieur, l'équipe de robots nommée Spider pour Self-Propelled Instrument for Airship Damage Evaluation and Repair. Donc, instrument volant lui-même pour réparer et évaluer les dommages du vaisseau. Est entièrement autonome et se déplace sur la membrane de l'engin, l'engin pas vaisseau, à la recherche du moindre trou d'épingle afin de le colmater. La partie externe projette de la lumière vers l'intérieur du ballon qui, lorsqu'il est capté sans altération par la partie intérieure, indique au robot la présence d'un trou. Il va alors donc boucher le trou en envoyant les détails de l'opération au centre de commande centrale au sol et donc finit le stress d'un risque de fuite. Le principal avantage des dirigeables est qu'ils ne nécessitent pas ou très peu d'infrastructures au sol pour se poser, impliquant autrefois un grand nombre d'hommes lors de l'atterrissage afin d'aider la bête à s'amarrer à sa base. De nouveaux systèmes rendent la procédure bien plus aisée. En lieu et place des traditionnels... le reste est sur les trains d'atterrissage, blablabla, il y a beaucoup plus d'informations. Allez voir sur assemblagerequis.com. Dernier paragraphe, d'habitude, quelque chose de pertinent. Disposant désormais de toutes les solutions disponibles afin d'offrir un transport sécuritaire et confortable, les dirigeables pourraient rapidement reprendre du service et remplacer dans certains cas nos moyens de transport actuels. Un article de branchezvous.com. Toujours en transport, des chercheurs trompent l'autopilote d'une Tesla. On parle beaucoup de Tesla depuis les dernières semaines, c'est un sujet que j'abordais moins, mais maintenant que c'est rendu plus populaire, on dirait que j'en parle, et peut-être qu'éventuellement ça va devenir trop populaire et je vais arrêter d'en parler. Pour l'instant, ça m'intéresse un peu. Donc en pleine tourmente, et on sait que je parle seulement de choses qui m'intéressent à l'émission, parce que sinon je parlerais de jeux de table, de super-héros, de grandeur nature, de cosplay. J'en parle pas parce que ça m'intéresse pas, puis ça s'appelle le Mathieu Plante Show. En pleine tourmente, la fonctionnalité autopilot de Tesla vient encore de subir une attaque. Des hackers sont parvenus à induire les capteurs en erreur, remettant sur le devant de la scène les faiblesses du dispositif qui ont récemment conduit à la mort d'un automobiliste. Cet accident survenu en mai dernier est probablement et en partie seulement dû à une situation que les capteurs de la Tesla n'ont pu gérer. Ils n'ont pas été capables de détecter à contre-jour la remorque blanche du camion également impliquée dans ce drame. Un groupe de chercheurs des universités de Caroline du Sud, de Zhejiang en Chine et une firme de sécurité également chinoise ont cherché à savoir ce dont étaient réellement capables ces capteurs et comment ils pouvaient réagir dans des cas bien particuliers. Grâce à une série de tests dont ils dévoileront le contenu précis lors de la DEFCON, ils démontrent comment des appareils émettant des ondes radio, des sons ou de la lumière peuvent compromettre le système de Tesla en lui faisant croire à l'existence d'objets physiquement absents ou au contraire à lui cacher des éléments qui sont pourtant bien présents. Bien plaisant peut-être aussi. Les tests ont été menés sur une voiture immobile avec des outils relativement onéreux, ce qui devrait rassurer les adeptes de l'autopilot. Quoi qu'il en soit, il convient et conviendra encore de nombreuses années sans doute de conserver sa vigilance de tous les instants et donc les mains sur le volant, comme le demande d'ailleurs l'autopilote à voix haute, même lorsqu'on est au volant d'une voiture intelligente. Allez voir la vidéo pour en savoir plus sur assemblagerequis.com. Maintenant, on parle de technologie au sens large. On parle de chargeurs révolutionnaires sans fil et sans aucune induction. Recharger un ou plusieurs téléphones, une tablette, un ordinateur portable en les posant simplement sur un fin plateau, c'est l'ingénieuse innovation de Energy Square, une jeune pousse française repérée sur la plateforme EDF Pulse NU. Sans fil et sans aucune induction, comment font-ils? Timothée Lequen, cofondateur et dirigeant d'Energy Square, explique le principe présenté comme universel et qui sera en partie disponible en open source. Compte en commun donc les smartphones, ordinateurs portables, tablettes tactiles. Ils passent en général beaucoup de temps posés sur un bureau, sur un meuble ou sur une table. Je cite, nous voulions trouver un moyen de capitaliser sur le temps que nos smartphones et tablettes passent posés sur une surface plate. Avec un de ses camarades de promotion de Télécom Paritech, il s'est attelé à développer une solution de charge sans fil différente des systèmes par induction et qui sont différents des systèmes qui sont aujourd'hui les plus répandus. Ainsi est née la solution Energy Square. Elle se présente sous la forme d'une bande autocollante à plaquer à l'arrière d'un smartphone ou d'une tablette et qui se branche à la prise physique de l'appareil, donc micro USB ou Lightning, et même le nouveau USB-C. À chacune des deux extrémités de l'autocollant, un contacteur. Ce sont eux qui permettent la charge dès que l'appareil est posé sur un plateau branché au secteur. Mesurant 30 cm par 30, il ressemble un peu à un échiquier ultra plat composé de petites dalles conductrices. Lorsque les électrodes de l'autocollant sont en contact simultané avec deux dalles, la charge s'enclenche automatiquement. Tant qu'il n'y a pas de batterie détectée, la surface du plateau reste inerte. On peut poser ce qu'on veut dessus, il n'y a aucun danger, disent-ils. D'après Energy Square, son système serait aussi efficace qu'un chargeur filaire. Selon les dimensions, il est possible de recharger 3 à 4 smartphones en même temps et à la même vitesse. On le voit sur une photo, il y a un mini iPad, un téléphone Android et un iPhone. Il sur l'autre, il y a un plus gros iPad puis un autre téléphone cellulaire. Bref, il a l'air d'avoir deux dimensions pour les dalles. Il y en a une qui est plus large, un petit peu plus comme un apron. L'autocollant a été pensé pour être personnalisé avec des formes et des couleurs. Il peut même faire office de support de télécommunication pour les marques. Sa durée de vie maximale est de 4 à 5 mois et le coût unitaire inférieur est à 1 seul euro. Quoi? Energy Square a déjà vendu 15 000 unités en précommande sur Kickstarter. Ça va être disponible à partir de l'année prochaine. Un kit comprenant 5 autocollants et un plateau de charge coûtera environ 60 euros. Wow! Comme il explique à Futura Science dans la suite de l'entretien, on ambitionne de faire de Energy Square un standard pour la charge sans fil des appareils connectés. On a bien hâte de voir ça. Lire l'entrevue au complet sur assemblagerequis.com. Justement, parlant de batterie, peu de gens le savent, mais les sites web sont en mesure de lire l'état de votre batterie de cellulaire ou de tablette. Si vous êtes à court d'énergie, cette information pourrait être utile pour permettre au site de proposer une version allégée et moins énergivore. Radio-Canada, là, vous prenez les gens pour des gentils gens. Ceux en pub sont pas gentils. Ils vont faire le contraire, en fait. Ils vont vous nuire le plus possible en vous chargeant plus cher pour une chambre d'hôtel parce qu'ils savent que vous êtes à 1% de batterie puis que vous avez besoin de la chambre d'hôtel là. C'est clair que ça va être ça qui va arriver. Uber va faire ça. Bref, il est déjà connu de tous que lors d'une recherche en ligne pour trouver un produit ou un service, les mouchards publicitaires sont capables d'échanger en arrière-plan cette information pour placer des publicités ciblées sur les autres sites web visités par la suite. Ceux qui souhaitent éviter cette traque publicitaire peuvent avoir recours à une parade qui consiste entre autres à passer en navigation privée et à utiliser un réseau privé virtuel. On a déjà parlé de ça, aller en mode navigation privée et comme les sites ne sauront pas que vous êtes pressé ou que vous voulez acheter quelque chose en cadeau à quelqu'un, ils vont vous offrir les prix normaux. Donc la navigation privée permet d'effacer les témoins sur votre ordinateur après la consultation de chaque page, rendant difficile le suivi pour les régies publicitaires en ligne. Et le réseau privé virtuel est le chien qui permet de se cacher de son lieu d'origine. Ça rend donc impossible presque de suivre à la trace quand vous passez d'un site A à un site B. Mais si vous êtes sur un cellulaire, une tablette ou n'importe quel autre appareil mobile, l'information à propos de l'état de votre batterie est quand même retransmise au site web visité. Malgré ces deux précautions, il peut servir à vous identifier comme le montre une étude récente. Donc, les navigateurs récents peuvent lire trois informations qui semblent anodines sur un appareil mobile. Le niveau de la batterie en pourcentage, le nombre de secondes restantes avant la décharge complète et le nombre de secondes avant sa recharge complète si le téléphone est branché. Ensemble, ces données donnent environ 14 millions de combinaisons. À tout moment, l'appareil a une combinaison quasiment unique composée de ces trois données qui peut servir de pseudo-identifiant pour les sites web. Des tests ont démontré que sur certains sites, un mouchard spécifique conserve ce pseudo-identifiant et permet de suivre à la trace une personne d'un site à l'autre. Les sites se partagent l'information. Et plus cette personne reste connectée longtemps, plus l'information devient fiable sans toutefois devenir aussi précise qu'avec les mouchards traditionnels. Les prochains navigateurs web pourraient donc mettre à jour leur prochaine version en tronquant la donnée transmise. Au lieu d'échanger une donnée trop précise, par exemple une charge à 14,3202%, le navigateur pourrait juste retourner une valeur arrondie, par exemple dire environ 14%, ce qui devrait être assez pour un site web visité. Par contre, pour d'autres personnes, cette information est déjà trop précise et peut nuire à l'usager. Un chercheur de Grenoble en France avait tiré la sonnette d'alarme à ce propos l'an passé, craignant que certains services en ligne puissent utiliser l'information pour augmenter leur prix. En effet, une personne sur son mobile avec une charge de moins de 1% pourrait très bien voir le prix de sa réservation, par exemple, je disais tantôt d'hôtel, ça pourrait être pour n'importe quoi d'autre. Bondir sans qu'on le sache, et on n'aura probablement pas le temps de comparer les prix ailleurs, donc le sachant, le site pourrait vous montrer des prix plus élevés. Voilà. Ça fait peur, tout ça. Je comprends même pas pourquoi les sites ont besoin de savoir ça. J'en veux pas de ta version faible rendement. Je vais me mettre sur le modèle, sur le mode conservation de la batterie sur mon cell. C'est au cell de gérer ça, pas au site web. Pas en tout au site web. Tout comme c'est trop mobile, c'est trop pour vrai, là, je trouve vraiment que c'est au téléphone cellulaire de choisir. C'est à moi, l'utilisateur, de choisir si je veux la version mobile d'un site. Là, depuis ce matin, je visite un forum, je magasine un produit quelconque. Je vais tout le temps sur le site et ça me donne tout le temps le site mobile. Peu importe si je demande le site complet, ça me donne le site mobile, puis j'en veux pas parce qu'il bug tout le temps le site mobile. Il n'y a pas un seul site mobile qui m'offre toutes les options que je veux. C'est ça l'affaire. Bref, ça n'a rien à voir, mais j'aime pas qu'on m'impose ces affaires-là sur les téléphones. Bref. Facebook. Bonne nouvelle. OK, je vais vous dire qu'on a une bonne et une mauvaise nouvelle par rapport à Facebook. On commence par la bonne nouvelle. Facebook s'attaque au titre destiné à attirer les clics, donc le clickbait. On va y aller rapidement là-dessus, mais le réseau social Facebook a commencé à mettre à jour l'algorithme régissant l'ordre d'affichage des publications dans le fil d'actualité par rapport à des articles qui attirent les clics avec de fausses promesses. Tu sais, genre, blablabla, il s'est passé telle affaire, la suite vous surprendra. Vous en resterez la bouche à terre. Et là, ça vous dit rien dans le titre. C'est super mensonger, super trompeur. On déteste ça. TVA est rendu maître de ça. Bref, le changement vise en particulier les titres qui vont intentionnellement laisser de côté des informations nécessaires pour comprendre ce que contient un article ou exagérer pour tromper les gens et les encourager à cliquer sur un lien renvoyant vers l'article publié ailleurs. Facebook avait déjà agi dans le passé pour réduire l'apparition dans les fils d'actualité des liens sur lesquels les gens cliquaient, mais ne restaient pas, préférant revenir presque immédiatement sur le réseau social. Le changement de l'algorithme du réseau, qui revendiquait 1,71 milliard d'utilisateurs fin juin, sont très surveillés par les éditeurs de sites Internet car ils peuvent avoir une grande influence sur la fréquentation de leur page et en conséquence sur leurs recettes publicitaires. Écrivez des titres qui veulent dire ce qu'ils veulent dire puis que les gens vont pouvoir comprendre, genre comme vous devriez faire depuis le début, et vous allez faire plus d'argent. Faites bien votre travail. C'est ça qu'on veut d'un média, qu'il fasse bien son travail, puis on va récompenser ça en les utilisant et en les lisant. Et l'autre mauvaise nouvelle de Facebook, que je pense que je l'ai enlevé de mes nouvelles, finalement, c'est ça? Je pense que je l'avais enlevé de mes nouvelles. Exactement. On va y aller rapidement. Je vais sauter quelques affaires. OK, on va parler un petit peu de Pokémon Go. Ça vous tente? Votre petite récompense de la semaine, Pokémon Go? Une équipe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology a mis au point une technique destinée à la réalité augmentée qui permet de toucher des objets réels présents dans une vidéo. Tout ça se fait avec une simple caméra et des algorithmes, et cette curieuse fonctionnalité est applicable sur n'importe quelle vidéo. Donc, ça pourrait rendre votre Pokémon Go encore plus vivant. Oubliez la 3D, il sera bientôt possible de faire bouger les objets visibles à l'écran en les touchant. Les chercheurs du laboratoire dédié à l'informatique et à l'intelligence artificielle du MIT disent avoir mis au point un moyen de toucher les objets qui apparaissent à l'écran. La vidéo dynamique interactive ou Interactive Dynamic Video ou encore IDV est révolutionnaire dans la mesure où elle s'appuie sur les algorithmes et une technologie vidéo déjà existante et non sur un équipement de pointe très coûteux. Les chercheurs ont obtenu des résultats à partir de simples vidéos YouTube. Ils indiquent également que leur technologie pourrait faire des merveilles avec le jeu, évidemment, Pokémon Go, en permettant aux créatures d'interagir plus étroitement avec le monde physique. Par exemple, au lieu de flotter au-dessus d'un buisson, un Pikachu pourrait bondir dessus en faisant bouger ses branches. Wow! Cette technique permet de capturer le comportement physique des objets, ce qui offre la possibilité de les manipuler dans un espace virtuel. Allez voir la vidéo pour voir un exemple. Davis, donc M. Davis, peu importe qui, révèle la totalité des découvertes de son équipe dans un article intitulé « Image Space Model Basis for Plausible Manipulation of Objects in Video ». Donc, base spatio-temporelle pour la manipulation plausible d'objets dans une vidéo. Pour comprendre le principe, prenons l'exemple donc d'une vidéo de chat. Les images contiennent des indices quant à la manière dont le chat se comporterait dans des circonstances autres que celles montrées dans la vidéo. On peut identifier et exploiter ces indices grâce au bon algorithme. Les images en mouvement émettent des vibrations quasi invisibles. L'algorithme des chercheurs peut capter ces minuscules mouvements et utiliser cette information pour prédire comment l'objet se comporterait dans d'autres circonstances. 5 secondes de vidéo suffisent à l'IDV pour fonctionner. On peut ainsi créer une simulation de mouvement avec laquelle l'utilisateur peut interagir. Il est nécessaire de cliquer ou de déplacer un curseur pour faire bouger les images à l'écran présentement, mais en associant l'IDV à un casque de réalité virtuelle ou à la capture du mouvement, genre Kinect chez Microsoft, on pourrait permettre au spectateur de tendre le bras et de faire bouger les objets à l'écran en les touchant. Par ailleurs, l'IDV permet d'envisager des expérimentations dans un environnement virtuel sûr, sans altération du monde réel. Et je crois qu'on va terminer là-dessus avec un gymnaste olympique qui s'est ramené une belle facture de téléphone de 5 000 $ en jouant à Pokémon Go à Rio. Ça m'a fait rire. Vraiment beaucoup. Donc, Koi Ichimura participe au cinquième... il a été médaillé 5 fois aux Olympiques, cette personne-là. Donc, l'athlète japonais qui a été appelé le gymnaste masculin le meilleur de tous les temps. Il aime aussi jouer à Pokémon Go, selon le Hollywood Reporter. Après être arrivé à Sao Paulo, pour le camp d'entraînement de son équipe, il a téléchargé l'application et il a capturé 5 000 $ à la place de Pokémon sur son plan de données. Il connaissait pas le roaming, je pense. Pourtant, il était familier avec les voyages internationaux. Il a gagné quand même 19 médailles dans des championnats mondiaux. Il ne s'est pas inscrit au flat rate plan de sa compagnie de téléphone pendant qu'il était au Brésil. Il a oublié. Il a pas pensé à ça. Il a reçu 5 000 $. Ça veut rien dire. Quand même. Leçon à apprendre pour les voyageurs. Voilà, c'est tout pour CNX. Les liens sont sur assemblagerequis.com. On a d'autres nouvelles qui vont s'en venir pour la semaine prochaine. Oh, avant de terminer, je voulais finir avec celle-là. Le magazine Nintendo Power qui est désormais disponible sur Internet Archive. Un magazine préféré. J'achetais à tous les mois quand j'étais plus jeune. Je vais m'acheter les derniers numéros quand le magazine a fermé il y a quelques années de ça. Plus de la moitié des numéros du magazine peuvent maintenant être consultés gratuitement sur la toile. Les nostalgiques de fans de Nintendo qui souhaitent replonger dans leurs souvenirs de 88 à 99 ont aujourd'hui une nouvelle adresse à inscrire à leur signet. 99 étant la première moitié. Ça finit, je crois, en 2013-14, Nintendo Power. Donc, c'est sorti un petit peu de nulle part, mais c'est Internet Archive qui a décidé d'intégrer une bonne portion des publications de Nintendo Power, les 145 premiers numéros. La page précise que le magazine a été retiré du marché en décembre 2012, voilà, et que Nintendo of America était son éditeur avant de céder le mandat à Future US, filiale du groupe britannique Future. Étrangement, Internet Archive ne précise rien pour le reste du projet et le reste des numéros. Néanmoins, on comprend que, de toute façon, ce qu'on veut voir le plus, c'est pas mal les plus vieux numéros. N'allez pas croire que ces contenus sont offerts en format texte ou encore moins sous la forme de PDF. Ah, malheureusement. Quelqu'un, quelque part, a numérisé chacune des pages qui sont présentées en images JPEG. Par conséquent, il est impossible d'effectuer une recherche par mots-clés pour l'instant, ce qui n'empêchera pas les amateurs de jeux rétro d'applaudir le geste de l'organisme à but non lucratif. Un article de branchezvous.com. Là, c'est vrai que c'est terminé. Je voulais absolument rentrer ça parce que ça aurait pu être courant la semaine prochaine. Écoutons du chiptune avant de passer à la prochaine pause. Donc, voici l'artiste J-Red, un habitué d'émission. Et c'est Dragon Hero, featuring Diang Amblik et Groovemaster 303. MPS, Mathieu Planchot sur C'est Fou. C'était quelque chose. Oreo Cream par Venom. Avant entendu Dragon Hero featuring Diagon Bleak et Groovemaster 303 par J-Red au Mathieu Plancho. Maintenant, tiens, je voulais faire du site Fate Edition. C'est bien cool, là, une fois de temps en temps, mais il me reste quelques petites nouvelles. Fait que ça me tente d'y retourner. Donc, un deuxième bloc de CNX. Continuons dans le domaine de Pokémon. Looking Glass qui fait l'extermination de Pokémon situés dans les zones fermées au public. Je trouvais ça intéressant. Il existe désormais une entreprise spécialisée dans l'extermination de Pokémon qui communique fréquemment avec Niantic afin que le développeur fasse un certain ménage. Tandis que certains joueurs n'hésitent pas à vagabonder dans des endroits restreints au public dans l'espoir d'attraper un Pokémon rare. Je parle même pas de ces nouvelles-là parce que quand même tout le monde en parle, mais un nombre croissant d'entreprises issues du secteur de l'énergie font maintenant appel à la firme de sécurité informatique Looking Glass. Comme le rapporte The Next Web, celle-ci offre depuis peu un service d'extermination de Pokémon dans des lieux où ses clients opèrent leurs activités. Concrètement, au cas par cas, Looking Glass communique avec Niantic afin de demander aux développeurs de Pokémon Go de modifier son algorithme pour faire en sorte qu'aucun monstre de poche n'apparaisse à l'intérieur ou à proximité de centrales électriques et autres terrains privés jugés dangereux. Cette démarche est bien entendu bénéfique pour tous. En retirant la présence de Pokémon, les utilisateurs de l'application seront moins enclins à s'aventurer dans des endroits dangereux. Ce qui, logiquement, devrait avoir un impact sur les risques de voir Pokémon Go faire à nouveau les manchettes de façon négative. De leur côté, les clients de Looking Glass pourront vaquer à leurs occupations sans avoir à gérer une affluence de personnes non autorisées sur leur site. Et enfin, Looking Glass s'est manifestement trouvé une nouvelle source de revenus. Qui sait, peut-être que l'initiative aura pour agréable conséquence d'augmenter la densité de Pokémon rares dans les endroits un petit peu plus accessibles. On s'en va en Thaïlande, où Pokémon Go est interdit dans les ministères et les casernes. En Thaïlande, face à la folie, la junte au pouvoir a interdit le jeu dans les ministères, mais aussi les casernes. Donc, à partir de maintenant, le jeu est interdit au sein des unités militaires et des agences gouvernementales responsables de la sécurité, a dit le vice-premier ministre Prayut Wongsuwan. Au-delà des fonctionnaires du gouvernement et des militaires, le général Prayut s'est dit inquiet pour la population alors que l'engouement pour le jeu fait la une des journaux thaïlandais depuis plusieurs jours. Le porte-parole du gouvernement Sansern Kawikmurnin a quant à lui mis en avant la... C'est vraiment ça son nom, Kawikmurnin, pour vrai. A quant à lui mis en avant la dangerosité des trottoirs de Thaïlande, mal entretenus et souvent encombrés de marchands ambulants. Dans un pays où les habitants marchent le moins possible empruntant moto-taxi ou tuk-tuk en raison de la chaleur tropicale. Le général Prayut Chan-o-cha ne veut pas pour autant interdire le jeu, mais il appelle les joueurs à connaître leurs limites et à utiliser leur temps intelligemment. Les jeux vidéo pourraient améliorer les résultats scolaires. Ça donnait aux jeux vidéo pourrait permettre d'améliorer les résultats scolaires des adolescents, mais passer du temps sur les réseaux sociaux comme Facebook pourrait avoir l'effet inverse, estiment les auteurs d'une étude australienne. Ce travail qui se fonde sur les performances de jeunes de 15 ans dans les évaluations du programme PISA, pour programme international sur le suivi des acquis des élèves de l'OCDE, concernait le rapport entre l'utilisation Internet et les résultats scolaires. L'analyse montre que les enfants qui utilisent régulièrement les réseaux sociaux en ligne comme Facebook tentent à obtenir des résultats moins élevés en maths, en lecture et en sciences que les étudiants qui ne consultent jamais ou presque jamais ces sites. Évidemment, hein, causation n'égale pas... C'est pas parce que tes données disent quelque chose que c'est vraiment ça la cause. Inversement, l'étude montre que les étudiants qui jouent à des jeux vidéo en ligne obtiennent de meilleurs scores au test de PISA, toutes choses étant égales par ailleurs. Les auteurs de cette étude publiée dans l'International Journal of Communication observent qu'il est possible que les enfants doués en mathématiques, en sciences et en lecture jouent davantage aux jeux en ligne que les autres. C'est peut-être le contraire. S'adonner aux jeux vidéo et consulter les réseaux sociaux sont deux activités qui prennent du temps, un temps que les adolescents pourraient utiliser pour étudier. Cependant, les jeux vidéo permettent potentiellement aux étudiants de mettre en pratique et de développer les compétences apprises à l'école. Les étudiants qui jouent presque tous les jours aux jeux vidéo ont en moyenne 15 points au-dessus de la moyenne en maths et 17 en sciences. Quand vous jouez à des jeux en ligne, je cite le plein d'affaires ici, je vous dis pas qui dit quoi, mais l'article complet, c'est des citations. Quand vous jouez à des jeux en ligne, vous résolvez des puzzles pour avancer au niveau suivant et ça implique d'utiliser certaines compétences générales en maths, en lecture ou en sciences que vous avez apprises pendant la journée. Les étudiants qui consultent chaque jour les médias sociaux obtiennent en moyenne en maths 20 points de moins que les étudiants qui ne vont pas sur les réseaux sociaux, selon l'étude qui a analysé les résultats PISA de 12 000 jeunes depuis 2012. Les étudiants qui vont régulièrement sur les réseaux sociaux perdent bien sûr un temps qu'ils pourraient utiliser pour leurs études, mais ça pourrait aussi indiquer qu'ils ont du mal en maths, en sciences ou en lecture et qu'ils préfèrent aller socialiser en ligne. Et la raison pour laquelle j'ai fait Célix en fin d'émission, c'était pour dire la nouvelle que j'ai dit en intro. Fait. On boucle la boucle. Une journaliste turque prend des cheat codes de Grand Theft Auto 4 pour des messages secrets. Une journaliste turque a présenté à l'écran ce qu'elle décrivait comme une preuve de la communication codée entre putschistes qui préparaient leur coup d'État. Le document en question ne montrait en vérité que des codes de Grand Theft Auto 4. En tant que journaliste, il est assez facile de critiquer un confrère, c'est Clubic.com qui dit ça, qui aurait oublié de faire simplement son travail, c'est-à-dire vérifier ses sources et effectuer un minimum de recherche sur un sujet. En tant que lecteur, il vous sera encore plus facile de nous rappeler que ça n'arrive pas qu'aux autres, disent-ils. Il n'en reste pas moins que cette journaliste turque est devenue depuis récemment l'objet de quelques moqueries qui semblent malheureusement justifiées. En présentant de simples codes de triche Grand Theft Auto 4 comme des preuves irréfutables de la trahison d'une partie de l'armée, elle se trompe, mais trompe surtout les téléspectateurs turcs. Sur le petit calepin qu'elle présente, on peut lire « GTA 4, triche, santé et armes, santé et armure » avec des codes qui sont ceux utilisés pour tricher sur ses valeurs. Que Clubic a vérifié d'ailleurs, de là à imaginer que ce document lui a été fourni par les partisans du président Recep Tayyip Erdogan qui aurait voulu utiliser la télévision pour convaincre l'opinion publique. Il n'y a qu'un seul pas. À sondagerequis.com pour les liens de cette chronique CNX. Et justement, ben, ça nous amène exactement à temps pour la fin de cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à midi et les mardis à 10h. Je vous retrouve aussi à sondagerequis en direct les mardis de 14h à 17h. Je vais être de retour au Baseball des Aigles la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est congé. Je vais être aussi en onde pour le Grand Prix Trois-Rivières. Oui, je suis rendu sportif. Non, je suis juste là pour tenir compagnie à ceux qui font du sport puis à faire des jokes entre les niaiseries que je comprends pas. Programmation complète sur cif.ca, note de l'émission balado diffusion sur l'assemblagerequis.com. Pour les auditeurs du mercredi, c'est automatique qui s'en vient dans quelques instants de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante. Mathieu Plante, c'est le Mathieu Plante. Vous avez été planté. Bye bye!